Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal de la mi-journée de ce dimanche. Voici d'abord les titres. La journée dédiée à l'arbre a été célébrée ce samedi en commune Wukemba de la province Gitega. Le premier vice-président de la République du Burundi interpelle la population de consulter les environnementalistes avant de couper les arbres et s'habituer à l'utilisation des gaz pour la cuisson. Le reportage du jour nous conduit jusqu'au campus Burumuza Changuzo de l'Université du Burundi où l'on parle des filles moins nombreuses dans l'Institut d'administration et de cartographie foncière. Sur les 3 ans, cet institut est fréquenté par 70 filles et 300 garçons. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la chronique nutrition. Et aujourd'hui, ça sera sur la jeune de Ferik Ouimana sur la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mocho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Deux projets dont la réhabilitation du marché moderne de Gitaza et la route Mihigo Malamirundi ont été réceptionnés au ministère en charge du développement communautaire. Ce sont des réalisations de ce ministère du second trimestre de l'année budgétaire 2021-2022. Suivez le ministre Gervais Ndirakobuja. En ce qui concerne le fonds d'investissement communal, 48 coopératives ont été visitées par le fonds d'investissement communal. 6 projets communaux ont été évalués par le CONIC. Des projets réceptionnés, il s'agit de la réhabilitation du marché moderne de Kitaza et de la piste Mihigo Malamirundi. L'enregistrement des projets de 24 communes et 4 marchés vérifiés. Par le fonds de microcrédit rural, une société coopérative a été reconnue. 26 sociétés coopératives ont été agréées. 727 515 086 francs des crédits octroyés par ce fonds ont été remboursés. 80 400 000 francs ont été donnés aux bénéficiaires. 498 dossiers des sociétés coopératives ont été analysés. 2310 comptes ont été ouverts dans le cadre du microcrédit aux pauvres économiquement actifs. Page environnement à présent, tracer les courbes de niveau et planter les arbres cohabitants avec les autres plantes contribue dans la lutte contre l'érosion du sol. Lors de la célébration de la journée dédiée à l'arbre ce samedi en commune Wukemba de la province Gitega, Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, a demandé à la population de consulter les moniteurs avant de couper les arbres, ainsi s'habituer à l'utilisation des gaz pour préparer la nourriture. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Lors de la célébration de la journée nationale de l'arbre ce samedi dans la commune Wukemba de la province Rutana, de Guy de Rurema, ministre ayant à l'agriculture dans ses attributions, a exhorté les cultivateurs de tracer les courbes dans le but de lutter contre le changement climatique. Fournir la nourriture de bonne qualité à la population, on doit d'abord protéger l'environnement en commençant par les forêts qui permettent la régulation de la pluviosité. En plus, les cultivateurs doivent tracer les courbes de niveau et planter les arbres qui cohabitent avec les autres plantes, surtout les fruits. Ces fruits permettront à la population burundaise d'avoir une alimentation équilibrée ainsi qu'obtenir les moyens financiers. Le vice-président de la République du Burundi, quant à lui, a indiqué qu'actuellement, beaucoup de gens coupent des arbres sans consulter les moniteurs. Il a profité de cette occasion pour conseiller la population à servir de l'usage des gaz lors de la préparation de la nourriture. Malgré les efforts du gouvernement dans le processus de lutter contre le changement climatique, les défis ne manquent pas. On constate plus souvent que les gens coupent les arbres sans consulter les moniteurs. On leur demande de changer de mentalité car couper les arbres sans planter d'autres peuvent occasionner beaucoup de dégâts dans l'avenir. Je profite de cette occasion pour exhorter la population burundaise à utiliser le gaz lors de la préparation de la nourriture en vue de protéger l'environnement. La journée nationale de l'arbre a été célébrée sous le thème « La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être de la population ». la source, reportage. L'Institut d'administration et de cartographie foncière est ouvert à tout étudiant. Les filles étant moins nombreuses au campus Buhumuza de l'Université du Burundi, Émilie Nukuri, doyenne de cet institut, appelle les filles à y suivre les cours. Sur les 3 ans, cet institut, qui a débuté officiellement ses activités en mars 2020, situé au chef-lieu de la province Changhuzhou, il est fréquenté par 70 filles et 300 garçons. Mireille Kanyang. Consili Nionzima, 26 ans, est originaire de la province Muyinga. Nous la rencontrons dans les hommes pour filles d'un côté et garçons de l'autre, en train de rincer le riz. Son choix pour cet institut fait suite à ses études antérieures, explique-t-elle. Même avant, j'avais suivi des cours à l'ITAB en agriculture. Puis faisant référence à la situation financière de ma famille, j'ai vu que je ne pourrais pas aller à Bujumbura pour suivre une autre faculté, alors qu'il y en avait non loin de chez nous. J'ai alors apprécié cet institut. La vingtaine appelle d'autres filles à suivre les cours dans de tels instituts. Marie-Claire Ngabirano, elle, a 24 ans et mère d'un enfant de près de 2 ans, rencontrée devant la porte de sa chambre, elle affirme suivre les cours sans difficulté, bien que mère. Je suis venue avec mon enfant. Il avait 9 mois et il aura bientôt 2 ans. Ce n'est vraiment pas facile d'être étudiante et mère. Je ne manque pas de temps pour les études. 70 filles sur 300 garçons fréquentent cet institut. Emery Nukuri, doyenne de cet institut d'administration et de cartographie foncière de Buhumuza, évoque les croyances populaires du Burundi. Il appelle toutefois les filles à la détermination. C'est un institut d'administration et de cartographie foncière. Ça implique qu'il y a les mathématiques, la physique, la topographie. Et selon les croyances populaires du Burundi, c'est réservé aux garçons, alors que c'est faux. Vous avez vu même remarqué que nous avons des étudiantes très éveillées qui font les mathématiques avec les autres. Deuxième obstacle, c'est que nous avons un programme de formation bilingue en anglais et en français. Alors, quel appel pour les filles, c'est que elles doivent se sentir capables et venir essayer. Ce qui importe, c'est le courage, c'est la détermination. Sinon, nous les invitons à venir pour suivre ces cours qui permettent une bonne gestion, une bonne amélioration de la gouvernance foncière. Quant au retard du prêt bourse évoqué par les étudiants, le doyen de cet institut tranquillise. Le ministère est à l'œuvre. Tout est là pour permettre le déboursement de cet argent. Parce que c'est vrai, au niveau du loyer, ils ne sont pas inquiétés parce qu'on fait la retenue à la source. Mais quand même, au niveau des conditions de vie, on voit qu'il y a des problèmes car la bourse est tarde et les enfants sollicitent les parents alors que les parents se disaient que les enfants étaient à la charge du gouvernement. Ici, nous interpellons et nous sommes en discussion avec les autorités électorales pour que cette question puisse se résoudre. Et on a un nouveau système de pré-bourse qui ne se fait plus sur 3 mois, qui se fait sur 2 mois et qui est payé par la BCB. Cet institut, situé en province de Changhuzhou, a déjà tissé des liens avec l'université de Kisangani en République démocratique du Congo et s'active pour un mémorandum avec Ardi University, situé en République unie de Tanzanie, spécialisée en administration et cartographie foncière. Radio Isanganiro, chronique nutrition. À 13h05, poursuivons ce journal par la chronique nutrition. Le jaune d'œuf est une excellente source de protéines, comme les vitamines du groupe B, les sels minéraux, dont le zinc. Le chercheur nutritionniste explique que les vertus que contient l'œuf préviennent différentes maladies, surtout liées à la vision. Jean-Paul Ouineda indique que la consommation excessive provoque des effets néfastes sur la santé. Omer Ndouayo. L'œuf de la poule contient différentes vertus, dont les protéines et la vitamine B, comme l'explique Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste. L'œuf contient beaucoup de choses très essentielles à notre organisme. Surtout, le jaune d'œuf est une excellente source de protéines. Celui-ci contient tous les acides aminés essentiels. Le jaune d'œuf contient les graisses, mais les graisses saturées. Les œufs de poule contiennent un véritable cocktail des vitamines et des minéraux. Surtout, il contient des vitamines A, vitamine E, vitamine B2, vitamine B12, mais aussi du phosphore, du fer, zinc, l'iode et le sélénium. Tous ces éléments présentent des vertus différentes pour l'organisme, qui sont l'action de protéger les yeux, renforcer le système immunitaire, lutter contre les maladies liées au vieillissement du cerveau. La consommation de l'œuf cuit peut causer des effets néfastes sur la santé humaine, selon ce chercheur. La consommation d'œufs cuits présente un certain risque parce que l'œuf peut contenir des bactéries, surtout salmonelles, dont l'ingestion peut présenter un réel danger pour la santé humaine. Il faut éviter surtout l'œuf qui est cuit. Les œufs sont souvent responsables. Quand on consomme assez d'œufs, on peut y avoir des dangers, surtout l'allergie. Quand on consomme le blanc d'œuf, on peut avoir beaucoup des allergies. Une nouvelle étude américaine montre que manger entre 3 à 4 œufs par semaine augmente de 6% de risque des maladies cardiovasculaires. Surtout, le jaune d'œuf concentré de cholestérol. Les jaunes d'œufs ont la teneur en cholestérol la plus élevée de teneur de tous les aliments qu'on consomme. Dans un œuf, le jaune peut contenir jusqu'à 186 mg de cholestérol alimentaire. Il faut manger modérément au moins 3 œufs par semaine à ne pas dépasser. Quant à la consommation excessive, cela peut causer la constipation, ajoute Jean-Paul Winez. En raison de leur teneur en soufre, les œufs peuvent contribuer à des gaz intestinaux chez des personnes qui ont de la choropathie fonctionnelle. Ces personnes peuvent augmenter des gaz. Vous allez constater que des personnes qui ont beaucoup de gaz peuvent continuer à entretenir beaucoup de problèmes à leur santé. Là, il faut ignorer et diminuer d'une façon considérable. Nous disons ça pourquoi. Le type digestif d'une personne est différent d'un type digestif d'un animal qui mange les animaux carnivores. Parce que des chercheurs ont vu que l'intestin d'un homme est très long que l'animal qui mange des animaux. Si la personne mange beaucoup des aliments qui contiennent les graisses saturées et une fois traînés au niveau de ce type digestif, ils vont augmenter des gaz et vous allez constater que les gaz vont faire du mal pour la choropathie fonctionnelle. Une consommation modérée ne pourrait pas dépasser 3 œufs par semaine. Ou encore, l'œuf peut être remplacé par des fruits, dont l'avocat. Actualité internationale. Actualité internationale, avant de mettre fin à ce journal, le Tchad envoie 1000 soldats pour renforcer les missions de l'ONU au Mali. Le contingent tchadien a devrait quasiment doubler sous le mandat des Nations Unies. Côté tchadien, le ministre des Affaires étrangères confirme bien l'envoi prochain de 1000 soldats au Mali, mais il souligne que ni le calendrier ni la zone de déploiement ne sont précisés et que ces détails seront définis en accord avec les Nations Unies. La MINUSMA avait décidé dès le mois de juin de renforcer de 3000 hommes ses effectifs militaires face à la recrudescence des violences dans le centre du Mali. Elle compte 16 500 membres, dont 11 000 soldats dans tout le pays. Le Tchad a payé le plus lourd tribut avec 60 casques bleus tués sur 159 au Mali, principalement dans des attaques djihadistes. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.